AXA, partenaire de la relance des pros, soutient l'activité des commerçants locaux. Bonjour. Bonjour, il y a du monde d'ici. Ça n'arrête pas depuis ce matin, mais ça fait du bien tous ces clients. Préparez-vous à nous voir souvent alors. Vous savez, c'est jamais trop. Pour soutenir l'économie locale, AXA a offert à ses clients des bons d'achat à utiliser dans les commerces de proximité. Notre priorité, continuer à accompagner les professionnels dans leur relance. Renseignez-vous sur axalife.fr/relancepro. AXA. Opération sous condition, valable jusqu'au 31 décembre 2021. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, New York, I Love Catastrophe, une série de Nicolas Champeau réalisée par Rafik Zénine. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ça fait 20 ans qu'un attentat terroriste a fait s'effondrer les tours jumelles à Manhattan en tuant 2753 personnes, et aussi parce que la tempête Ida qui vient de frapper la ville est comme un écho de Sandy en 2012. Et puis parce que parfois on a l'impression que New York est une ville phénix qui, comme de nombreuses autres capitales, tente de se remettre du Covid. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, une ville devenue silencieuse, des départs précipités, des camions réfrigérés remplis de corps emballés dans des housses de plastique, un tube devenu un hymne et une infirmière qui a cru travailler dans une zone de guerre et a vu tomber ses collègues trop nombreux. Mais pour commencer, ceux et celles qui sont revenus. Covid Capital, New York 2020-2021. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. La dernière fois que j'avais vu Alison Schlegel, c'était aussi à Brooklyn, en mars 2020, juste avant le Covid. Elle travaille depuis 5 ans dans une petite entreprise qui fabrique les caisses de protection des œuvres d'art prêtées par les plus grands musées de New York et expédiées dans le monde entier. Elle a commencé comme charpentière et elle a pris du grade. On s'était parlé lors de réunions Zoom avec des amis pendant les confinements, mais des choses m'avaient échappé. Et Alison a peut-être un peu plus de recul maintenant. Personally, I think that this is the first time right now with the COVID where I've actually financially personally been affected by. Personnellement, avec le COVID, c'est la première fois que je suis affectée directement par un désastre. Yeah, I mean my husband and I we worked at the same. Mon mari et moi, on travaillait pour la même entreprise avant le COVID. And we had just had actually like I had come back from my maternity leave from having my first kid. Moi, je revenais tout juste de mon congé de maternité car j'ai eu un enfant après avoir longtemps essayé d'en avoir un. Ça faisait à peine un mois que j'étais revenue. And everything. Ils ont tout fermé. Shut down and my husband and I we had a situation where we worked different shifts so we had never needed to calculate into our cost of living like. Avec mon mari, on s'était arrangé pour travailler sur des vacations décalées. On n'avait pas eu à estimer combien la garde d'enfants allait nous coûter, car on allait s'en occuper nous-mêmes en alternant, car mon mari travaillait la nuit. Mais après, il y a eu le confinement. Au travail, ils nous tenaient informés régulièrement de la situation. D'abord, ils nous disaient « On va rester fermés une autre semaine, puis une autre semaine. » Et ensuite, ils ont dit « Dans une semaine, on va organiser une réunion pour vous tenir au courant de ce qui se passe. » Et lors de cette réunion, ils ont dit « On va commencer à appeler les gens individuellement pour vous tenir informés séparément. » To let you know what's going on, and then I was just getting very stressed out because I just had a new baby, and I'm like, feel like I'm about to. Là, j'ai vraiment commencé à stresser parce que je venais d'avoir un enfant et je commençais à comprendre que j'allais peut-être perdre mon emploi et ma couverture sociale. Mon fils avait été hospitalisé pendant un mois à sa naissance, donc la couverture médicale, c'est quelque chose de très important pour moi. Alors j'étais très anxieuse pour mon travail. And then they ended up laying off like Ils ont fini par licencier la moitié de l'entreprise. Moi, j'ai pu garder mon travail, mais mon mari a perdu le sien. Il n'en a pas retrouvé depuis. Il y avait tellement de gens qui se faisaient licencier. Pendant des semaines et même des mois, il a appelé pour toucher des allocations sans jamais avoir quelqu'un au bout du fil. Il appelait tous les jours, toute la journée. Ça sonnait tout le temps occupé. Et j'ai dû renoncer à la moitié de mon salaire pour conserver mon emploi. Mais j'ai gardé ma couverture santé. C'était important pour moi. Et votre salaire a été amputé de moitié pendant combien de mois? Même quand j'ai repris le travail, ça a continué. Donc ça a duré 5, 6 mois en tout. Mais malgré ça, j'étais reconnaissante d'avoir pu garder mon travail. Mais ça a beaucoup changé ma vie. Et c'est dur, mais vous voulez rester à New York. Vous aimez New York. Oui, j'aime beaucoup New York. Et aussi avec la pandémie, j'ai l'impression que c'est l'un des endroits les plus sûrs au final. My experience feeling like where there's a lot of people that are taking the precautions seriously and we got beaucoup de gens prennent les mesures de précaution très au sérieux ici. On a été vaccinés très rapidement aussi donc oui, c'est ici que je veux vivre. I really want to live here. You went away for several months. Vous avez quitté New York pendant plusieurs mois lors du premier confinement entre mars et mai. Pouvez-vous nous décrire vos impressions lors de votre retour dans la ville? Alors, est-ce que je pourrais remonter un peu plus en arrière et décrire comment on a quitté la ville? Parce que moi, je ne voulais vraiment pas partir. Mais mon mari était très angoissé, à tel point que je suis devenue effrayée moi aussi. Je n'avais pas vraiment le choix. Et donc, on a pris la voiture à une heure débile de la nuit. Et moi, j'avais ce bébé. J'essayais de penser à toutes les choses que je devais prendre avec moi pour m'occuper de lui dans un nouvel endroit. Je me suis mise à pleurer car je quittais ma maison pour toujours. J'avais vraiment l'impression qu'on n'allait jamais revenir, que je ne reviendrais jamais chez moi. Mais lorsqu'on est revenu, c'est amusant parce que j'étais vraiment déterminée à ne pas quitter New York. Parce qu'il a fallu rentrer, mon fils avait tellement grandi. Et on roulait sur la voie rapide de Brooklyn. Et il était tellement grand dans son siège bébé. Et on a vu un panneau d'affichage et quelqu'un au graffiti avait inscrit « Brooklyn est sur le coup ». Et moi, je trouvais ça étrange. Je disais à mon bébé « C'est chez toi, tu es née ici ». Mais j'étais nerveuse de le ramener à la maison parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. New York sans la foule, sans l'énergie de la rue, est-ce encore New York? Dans l'un de ses livres, l'autrice Vivian Gornick, qui est née en 1935, se promène tout le temps avec sa mère dans les rues de New York. La seule façon de ne pas se disputer, c'est de marcher dans la rue. Mais lors de notre rencontre avec Vivian, je me suis demandé si sa mère n'était pas un prétexte, en fait. Je peux rester assise durant des heures dans cet appartement. Je vis seule. Ça fait des millions d'années que je vis seule. Et je travaille seule. Et je peux devenir vraiment déprimée, anxieuse, esselée, tout en même temps. Mais dès que je mets un pied dans la rue, tout ça disparaît. Parce que la foule est tellement accueillante. Parce que les gens font des choses. C'est du théâtre de rue non-stop. Il y a toujours quelque chose qui se passe et je suis le genre de personne qui parle facilement. Si quelqu'un me dit quelque chose, je rebondis en deux secondes. On peut deviner la gratitude dans les yeux des autres, la gratitude pour l'amusement que l'on s'offre les uns les autres, ou la gratitude pour la simple reconnaissance de notre humanité commune. Je ressens ça tout le temps. New York est une ville qui te donne une sorte d'électrochoc. Il y a des villes dans le monde où l'on ressent de l'hostilité, mais pas ici. Il y a des Il y a une autrice anglaise qui s'appelait Storm Jameson et qui a vécu presque 100 ans. Elle voyageait tout le temps, elle était de la classe ouvrière, et la veille de ses 80 ans, elle a écrit un mémoire dans lequel elle décrit ses voyages. Et dans toutes les villes d'Europe, elle réagit à l'architecture, à l'histoire et l'art. Elle est venue à New York, et elle a tout de suite fait ce que je fais moi. Tout se passe au niveau des yeux, ne jamais regarder en l'air. Si vous le faites, vous êtes mort. C'est comme une guerre dans le ciel si vous regardez en haut. Moi, je ne le fais pas. Et elle non plus. Elle s'est rendue compte que New York, c'est la foule. Ce n'était pas l'art, ni l'histoire, ni l'architecture. Vous dites que tout va bien tant qu'il y a la foule. Mais pendant le Covid, durant des mois, il n'y a pas eu de foule. Donc, comment j'ai survécu? Bien sûr que j'ai survécu. Mais c'était horrible. La rue en bas de chez moi, c'est la 7e avenue. L'une des principales de la ville. Et ça ressemblait à un plateau de films de science-fiction. Rien ne bougeait. Rien. Les voitures, les gens. J'avais l'impression que le béton gagnait en volume, qu'il se répandait. Il était deux fois plus gros, c'était au-delà du sinistre. Et vraiment déprimant. Vous aviez l'impression que les immeubles étaient plus grands? Oui. J'avais l'impression d'être plus petite et qu'il n'y avait plus un seul être humain dans le paysage. J'étais une toute petite créature dans un monde déshumanisé. Dans le même temps, il y a eu des échanges inattendus avec le Covid. Et j'étais très fière de la ville lorsque le nombre de cas a baissé du jour au lendemain. Tout le monde s'est mis à porter le masque. Et j'étais fière de la ville. Elle s'en est sortie comme une adulte, comme quelqu'un qui a une personnalité, une volonté, un tempérament. Vous savez, Colette est connue pour avoir dit « Moi, je passe toujours mes guerres à Paris ». On l'avait encouragée à quitter Paris quand les nazis arrivaient en 1940. Et elle a dit « Non, je ne quitte pas Paris, je passe toujours mes guerres à Paris ». Et moi, je ressens la même chose pour New York. Et la plupart des New Yorkais pensent comme moi, je crois. Donc je tiens vraiment à être ici, quelle que soit la catastrophe. Qu'elle soit liée au changement climatique, à une invasion ou je ne sais quoi d'autre. Il y a une photo qui a été prise en avril 2020, quand les morgues de New York débordaient. Une photo aérienne sur l'île de Hart, au large du Bronx, où l'on enterre depuis la fin du 19e siècle les gens qui n'ont aucun proche. On voit un petit camion monte-charge qui empile des cercueils en pin dans une fosse commune. Les cercueils sont réceptionnés par des hommes en tenue de cosmonaute. Glaçant. Mais ce n'est pas la photo qu'a retenue Paul Moakley, l'un des chefs du service photo de Time Magazine. It's a little hard for your project, like COVID in New York as a photo. Une photo du Covid à New York, c'est difficile. Je n'arrive pas à retenir une seule photo pour ton projet. I'll talk about my favorite Mais je peux vous décrire une partie du parcours qui m'a conduit à ma photo préférée, si ça vous va. La première photographe que j'ai contactée, c'est Angela Strassheim. Elle photographie des scènes de crime. Elle a travaillé sur le 11 septembre en tant que photographe judiciaire. Et je savais qu'elle savait photographier des cellules sanguines, car elle avait travaillé avec des médecins légistes sur des scènes de crime. Et donc je l'ai appelée pour lui demander, est-ce que tu pourrais nous proposer une illustration dans le métro de ce qui reste des empreintes des gens ou ce qui reste quand ils éternuent ou toussent ? Tu vois quel type de photo on pourrait prendre. Et on en a parlé pendant une semaine ou deux. Et puis un jour, elle m'a dit, Paul, je crois que j'ai vu la photo aujourd'hui. Je suis allé voir mon amie, elle a un rhume, elle a peur d'avoir le Covid. Il n'y avait pas de test à l'époque. Et elle porte un masque. Et j'ai déposé des courses au pied de chez elle, et je l'ai vue à sa fenêtre. Je veux la photographier à sa fenêtre. Et j'ai dit, ok, c'est intéressant. Oh, that's interesting. That's like... Tu vois la maison américaine typique, elle est en robe de chambre à la fenêtre avec un masque. À l'époque, c'était une photo surréaliste. Et je lui ai dit, vas-y, fonce. Et la photo a terminé en couverture de Time Magazine. C'est bizarre, le Covid. On a l'impression que c'était lent, mais en même temps, c'est fou la vitesse avec laquelle il s'est propagé. Plus tard, on a fait ce projet à l'hôpital Wyckoff de Brooklyn, qui était l'un des épicentres. Oui, on s'y rend demain. Ah oui, bien. L'équipe a fait un travail énorme pour documenter cet hôpital pendant plus d'un mois et l'impact de la peur sur les effectifs. C'est vraiment une histoire sur la peur et l'incertitude et le stress enduré par tout le monde. Et donc sur cette photo, on voit un employé de l'hôpital, Carl Edwards. Il a 39 ans et il est dans un camion frigorifique derrière l'hôpital. Et le camion est rempli de cadavres enveloppés dans des sacs plastiques orange et noir. Et il porte une lanterne dans un espace sombre. L'employé de l'hôpital a des habits de protection de la tête aux pieds et de grosses bottes. Et il est à mi-chemin de la petite allée dans le camion. On voit son ombre qui fait une longue tache devant lui. Et sur les côtés, il y a 4 étages de cadavres du sol au plafond. Cette photo n'était pas une anomalie. Ça se passait ailleurs aussi, à l'hôpital Elmhurst dans le Queens, et dans d'autres hôpitaux qui débordaient de cadavres, car les chambres funéraires étaient dépassées. Ça montre que l'on n'était pas prêt pour ça. J'aurais aimé que ces photos circulent davantage. On a mis cette photo en double page dans le magazine, sur Instagram et en ligne. Mais je ne sais pas comment on aurait pu avoir un impact plus fort encore avec ces photos. Parce que les gens ne se rendaient pas compte à quel point cette maladie était mortelle. Je ne sais pas si les gens regardaient ailleurs ou s'ils regardaient trop la télé, mais en tous les cas, les preuves de l'horreur étaient vraiment là. Ramon Rodriguez est le directeur général de l'hôpital Wyckoff dans le quartier de Bushwick à Brooklyn. Nous sommes dans un quartier qui commence à être prisé et qui s'appelle Bushwick. Bushwick est sur la ligne de métro L qui traverse Williamsburg et qui passe sous la East River jusqu'à Manhattan. Williamsburg, c'était surtout une communauté de juifs orthodoxes et de portoricains aussi. Mais ces dernières années, tout a changé parce que c'est au bord de l'eau et ça donne sur Manhattan. Et maintenant, c'est devenu très cher et très prisé. Et au fur et à mesure que les gens sont chassés du quartier par les prix qui grimpent, eh bien, ils vont plus à l'est, c'est-à-dire ici, à Bushwick. Bushwick, il y a 100 ans, c'était le lieu où il y avait le plus de brasseries aux États-Unis. pendant environ 50 ans. C'était une communauté allemande. What we now call Latinx communities or Hispanic communities and Latinos. Aujourd'hui, c'est une communauté hispanophone pour 75% de nos patients, l'espagnol est la langue maternelle. It is a location of migration. C'est un lieu de migration. Through various generations, people have come from other countries. Plusieurs générations d'immigrés se sont installés à Bushwick. Mais au début, c'était l'un des endroits les plus riches de la ville. Et c'était lié au baron de la bière, je crois. Et enfin, ici, nous sommes à deux pâtés de maison de Queens. Et donc, comme Brooklyn est aussi appelé Kings, nous sommes l'hôpital des Kings et des Queens. Dr. Catherine Gallagher-Simon. Je vous présente Catherine Gallagher-Simon, qui est notre infirmière en chef. Every single day during the pandemic's biggest surge, she was in front of patients and tous les jours durant le pic de la pandémie, elle était sur le pont avec les patients et le staff de l'hôpital. So much of the virus. Donc le virus n'était jamais loin d'elle. Et je suis heureux qu'elle soit encore parmi nous. But has plenty of antibodies, I think. Okay, I will bring them down to you. Je te les amène après, OK? Quand vous allez rencontrer le docteur Iris Harry et notre infirmière en chef, vous verrez des gens qui ont été très forts et qui sont très compétents, mais qui ont traversé l'enfer. Pouvez-vous revenir à l'admission de votre premier patient COVID à l'hôpital et nous rappeler le contexte du COVID à l'époque à New York? So we had been hearing about this virus that occurred and was coming. On nous avait parlé de ce virus qui provenait de Chine et qui avait circulé en Europe, en particulier en Italie, vous vous souvenez? It became so big, and when it was discussed coming here, we were all. Et lorsqu'on a envisagé qu'il arrive aux États-Unis ici. On a suivi des instructions et on demandait aux patients, avez-vous voyagé au cours des trois derniers mois? Avez-vous de la fièvre, etc.? Et nous avons reçu une patiente âgée de 82 ans, on la connaissait, et elle habitait à Ridgewood, dans le Queens, pas loin d'ici. Et elle avait tous les symptômes qu'on nous avait décrits. Mais elle nous avait dit qu'elle n'avait pas voyagé du tout. Et puisqu'elle n'avait pas voyagé, les gens de l'hôpital qui s'étaient occupés d'elle n'ont pas porté de protection. Et donc, 13 personnes ont dû être placées en quarantaine parce que quelques jours plus tard, on lui a diagnostiqué le COVID. And she was with us for about a week before we started boom, boom, boom, boom, boom, boom, having all of these different people coming in with the same kind of. Moins d'une semaine après, on s'est mis à recevoir des patients de COVID en cascade. And Dr. Irisari, pour la plupart des personnes âgées. Le docteur Irisari vous en parlera. Il était au cœur de toute l'opération. When we started seeing this. It happened effectively. It felt like very slowly, and then it was a giant wave. Ça a commencé doucement, very quickly, that mais très vite, c'est devenu comme une gigantesque vague. Had COVID or believed et quasi tout COVID. Le monde aux urgences then, avait le COVID. We had a situation où croyait avoir le COVID. Very slowly became et l'intégralité de notre hôpital est devenue une unité de soins intensifs. Intensive care beds, single beds where we have one nurse taking care of two patients 24. D'habitude, on avait 16 lits en soins intensifs avec une infirmière pour deux patients 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. En l'espace de quelques semaines, on est grimpé à 75 lits en soins intensifs et on est monté jusqu'à 90. Et de nombreux patients sont morts, donc on a dû aménager un semi-remorque frigorifique de 13 mètres avec des étagères pour les cadavres. Et cette première patiente Covid est morte, elle aussi. She was the first person in the state of New York who died directly as a result of COVID-19. Oui, elle était la première personne de l'État de New York à mourir de Covid. Il y en a eu peut-être d'autres qui sont morts chez eux sans qu'on le sache. Et si nous sommes dans une communauté à majorité latino, nous sommes à deux pas du quartier où j'ai grandi, Jackson Heights, à Corona, dans le Queens, qui était l'un des épicentres de l'épidémie. That I think is very critical for your audience. In New York, we have constantly a housing crisis. Et ce que je vais dire est de toute première importance pour la compréhension de vos auditeurs. New York pâtit de façon continue de la crise du logement. Les plus aisés peuvent se permettre de se loger où ils veulent sans difficulté, et les gens qui n'ont pas assez d'argent pour le loyer peuvent se loger dans des habitations sociales, qui sont pour la plupart vétustes et qui sont des lieux très difficiles. J'ai grandi dans l'un de ces lieux. But today, what we have are people who live and pay $1,000 a month for a room. Aujourd'hui, on demande à des gens des loyers de $1,000 pour une simple chambre dans le privé. Or two family homes. Donc, il y a des appartements sociaux prévus à l'origine pour une, voire deux familles, mais qui accueillent cinq familles désormais. Des gens qui enchaînent deux métiers différents dans la même journée, la plupart des immigrés. Si vous habitez dans un appartement conçu pour deux ou quatre personnes, mais qui abrite 12 personnes, il est extrêmement difficile d'empêcher la propagation d'un virus qui se transmet dans l'air par le biais d'éternuements et de toux notamment, et c'est ce qui s'est passé. Nous avons reçu des familles entières ici, mari et épouse, des frères, des pères avec leurs fils et qui sont venus chez nous dès le début, et la plupart sont morts. C'est l'une des plus grandes tragédies au cours de mes 40 ans de carrière dans la santé, où nous avons vu une maladie décimer une communauté tout entière. Et j'aurais aimé que notre gouvernement s'en rende compte et se rende disponible pour la confronter. Malheureusement, le gouvernement précédent aux États-Unis a nié la maladie. Et il n'était pas non plus très concerné par des communautés comme la nôtre. In communities like ours. My name is Lisandro Irizarry. Mon nom est Lisandro Irizarry. Je suis docteur urgentiste diplômé et je suis chef du département des urgences ici à l'hôpital Wyckoff. We quickly became overwhelmed with fatalities here. And so our typical morgue is like most hospitals. Nous avons été très vite débordés par le nombre de décès ici. Notre morgue, comme la plupart des hôpitaux, comporte 8 places. Mais à un moment, nous avions un décès par heure. Je parle de gens encore plus jeunes que moi qui arrivaient, avec aucune comorbidité. Pas de diabète, pas d'asthme, pas de toux chronique. Et ces gens mouraient quelques heures plus tard. Donc nous avons été très vite dépassés. Nous avons commencé avec un semi-remorque qui pouvait contenir 30 cadavres. Et au moment du pic, nous avions trois semi-remorques avec 100 cadavres juste devant le trottoir. Vous savez, le plus difficile était de créer un environnement respectueux pour les décédés en déplaçant les corps de l'hôpital jusqu'au semi-remorque. Mais les gens de New York et du monde entier ont vu ces images symboles de la pandémie, qui montraient des gens qui transportaient des cadavres jusqu'au camion, ce qui est malheureux. Nous avons créé un couloir extérieur à l'abri des regards avec des parois, des grillages et des arches. simply to be able to put patients there. But these were trailers that arrived absolutely empty, for which we had to construct the shelving for. Ces semi-remorques étaient vides quand ils sont arrivés. On a dû construire des étagères et inventer un système pour être sûr de pouvoir identifier exactement qui est sur telle étagère dans le camion. Parce que ce que l'on veut éviter à tout prix, c'est d'être incapable d'identifier un cadavre. L'autre défi, c'était que les chambres funéraires et les crématoriums étaient eux aussi complètement dépassés. Et donc nous gardions les cadavres plus longtemps que d'habitude. Et c'est devenu un défi émotionnel pour tout le monde ici. Un défi pour nos équipes, un défi pour le quartier, qui est un quartier très familial, qui était devenu réputé, hélas, pour ses semi-remorques remplis de personnes décédées. Dans plusieurs bureaux et couloirs de l'hôpital Wyckoff, il y a encadré un portrait qui était en une de Time. C'est l'infirmière Amy O'Sullivan, l'une des personnalités les plus influentes de 2020, selon le magazine. Elle comptabilise 24 années au service des urgences de Wyckoff et elle a survécu au Covid après 4 jours sous respirateur. Son regard, à la fois rieur et téméraire, réconforte. Mais lorsque j'ai appris que le charpentier qui avait bâti les étagères pour les cadavres dans les camions frigorifiques était mort, lui aussi, du Covid, j'ai réalisé que j'étais encore très loin d'avoir une idée précise de l'horreur vécue dans cet hôpital. Catherine Gallagly est l'infirmière en chef de l'hôpital Wyckoff. I have to tell you, this has been one... Jamais je n'ai imaginé que j'aurais à vivre un moment pareil dans ma carrière. Pour moi, en tant qu'infirmière en chef, le défi majeur était de pouvoir gérer cet afflux massif de patients, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'infirmières pour s'en occuper, qu'elles soient compétentes, qualifiées pour gérer la complexité de l'état de maladie extrême des patients. Par conséquent, au début de la pandémie, nous avons dû changer l'affectation d'infirmières qui n'avaient jamais pris en charge ce type de patients. It was very, very difficult for them because they had never taken care of patients like this. Il y en avait beaucoup qui étaient en fin de carrière, qui s'apprêtaient à prendre leur retraite. Et un bon nombre ont décidé d'arrêter du jour au lendemain. Elle disait, je ne peux pas. J'ai peur pour ma santé à moi, celle de ma famille. Et elles ont pris leur retraite. Donc on a eu beaucoup de retraites anticipées et il a fallu gérer ça. J'ai aussi dû gérer de nouvelles infirmières inexpérimentées qui ne s'étaient jamais occupées de patients sous respirateur, qui devaient être surveillées de très près du fait des médicaments qui leur étaient administrés. Et elles avaient peur d'être jetées là-dedans, avec des patients vraiment très, très malades. Elles avaient peur pour leur propre santé. L'afflux était fou. Par rapport à nos capacités, on avait trop de patients, environ 100 patients en trop. Et les infirmières qui n'ont pas jeté l'éponge avaient une charge de travail très importante et douloureuse aussi. Ce qui a été le plus dur pour les infirmières, c'était de voir leurs collègues ou des membres de leur famille malades. Quand vous voyez vos collègues de l'hôpital eux-mêmes hospitalisés, et que vous voyez à quel point ils sont malades, puis vous les voyez partir en soins intensifs, et quelques heures après, vous apprenez leur mort, il n'y a rien de plus démoralisant comme expérience. C'était traumatisant. Mais dans le même temps, nous devions remonter le moral de tout le monde. Il m'est arrivé de faire des comparaisons avec la guerre. À peine une personne décède, vous devez dans la foulée tout faire pour tenter d'en sauver une autre. C'est vraiment un champ de bataille. Il y a eu des moments où l'on savait qu'on n'allait pas pouvoir sauver une personne. On savait qu'elle allait mourir. Donc on choisissait de privilégier ceux qui avaient encore une chance de s'en sortir. Des gens qui étaient restés trop longtemps chez eux avant de se présenter à l'hôpital. Dites-nous en plus sur le quartier et les équipes médicales. Où vivent les membres de vos équipes? Nos équipes habitent Brooklyn et le Queens pour la plupart. On essaie d'embaucher des infirmières qui parlent la langue de nos patients, c'est-à-dire l'espagnol. C'est une communauté défavorisée et les hispanophones ont été deux fois plus contaminés que les blancs ici. Nos infirmières souvent connaissaient les patients qu'elles devaient soigner. C'était des voisins avec qui elles ont grandi. J'imagine qu'elles se tournaient vers vous pour trouver du réconfort ou présenter leurs doléances, mais vous, vous êtes la chef, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Pas le droit. C'est vrai qu'il était assez fréquent de trouver une infirmière sangloter dans un coin. Je lui disais, allez, ça va aller, ça va aller. Elles étaient très frustrées de ne pas pouvoir sauver plus de gens. C'était dur de voir des gens mourir seuls, sans que les familles puissent venir. Au début, on n'avait vraiment pas le droit d'autoriser les familles à venir à l'hôpital. Mais quand on savait que quelqu'un allait mourir, on appelait leurs proches pour leur dire « Venez vite dire au revoir ». Je crois que ce n'était pas nécessairement quand on était dans la tempête que les gens ont craqué. C'est après. Quand les choses se sont calmées et qu'une nouvelle vague pointait, j'ai dit à une infirmière que le Covid allait sans doute frapper de nouveau. Et elle a dit, je ne pourrais pas. Je ne peux pas encaisser ce niveau de mort une nouvelle fois. Elle m'avait dit qu'un jour, elle a eu trois patients qui sont morts en même temps. Et elle a dit, si ça se produit de nouveau, j'abandonne le métier d'infirmière. Je n'en peux plus. Sometimes in our life, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're Madame Schatz, vous avez écrit sur le Covid à New York pour le London Review of Books, un article consacré au Covid à New York, et vous parlez de cette chanson qui est un hymne, qui est devenue un hymne, Lean on Me. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est une grande chanson de Bill Withers, un chanteur, poète noir américain, qui est devenu une sorte de symboles de solidarité chez les médecins et les infirmiers pendant la crise. Il y avait un vidéo sur YouTube où un médecin et des infirmiers ont chanté la chanson ensemble et tout le monde a partagé cette chanson. Et vous, vous écrivez, parce que « lean on me », ça veut dire « tu peux t'appuyer sur moi » quelque ouais. part ouais. Et vous écrivez, mais s'appuyer sur qui? C'est le Covid, on doit être ouais, éloigné, ouais. C'est ça? Parce qu'il était défendu de toucher les gens. Alors, c'était le symbole de solidarité pour les médecins, pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'autre si on n'est pas libre de toucher l'autre à cause du Covid. Alors je voulais souligner la tristesse, la nécessité et la tristesse de ce sentiment. C'est une chanson donc, qui est devenue le symbole de la solidarité et donc de l'unité face à l'épreuve. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, quelque part, dans une ville qui est striée par des barrières publiques, privées, cliniques privées, hôpital public, noir, blanc, assuré, pas assuré? Oui, je parle de déclenchement de cette crise parce que au début, on parlait beaucoup de l'unité du peuple américain et de l'unité des New-Yorkais contre le Covid. Mais à fur et à mesure, on s'est rendu compte que le peuple américain n'est pas unifié, même par le Covid, et qu'en réalité, on habite un pays qui est massivement divisé par les divisions de classe, de race, urbain, rural, etc., contre Trump, pro-Trump, etc. Alors, je parlais d'un moment qui s'est évanoui très vite. Let me go through an update. As you know, the situation changes daily now, which is expected. This is an evolving situation, so we want to make sure that you understand that as the facts change, our strategy changes, right? We have a plan. We're sticking with the plan. The plan adjusts or moves as the facts move. First stage was always testing. Le gouverneur Andrew Cuomo l'a reconnu quelque part parce qu'il a dit que... Le cas de Cuomo est très ambigu parce qu'il a fait de grandes erreurs au début de la crise. Pourtant, chaque jour, il a donné des conférences de presse où ses discours sur le Covid étaient remarquables et remarquablement clairs et qui ont fait un contraste dramatique et très rassurante avec l'imbécile qui était notre président. Et pour beaucoup de gens, la présence de Cuomo pendant ces jours était très rassurante. On habitait un monde que Trump et les hommes qui l'entouraient, un monde où la vérité n'existait pas, où les fêtes étaient créées, étaient fabriquées chaque jour, où la réalité de la crise était systématiquement niée. Alors, c'était très important d'avoir un homme politique qui parlait des faits, qui voulait nous renseigner sur la situation. Et pour ça, il mérite de reconnaissance. They've been delivering for years 10 to 20,000 masks. Okay, it's a New York hospital, it's packed all the time. How do you go from 10 to 20 to 300,000? Something's going on. And you ought to look into it as reporters. Where are the masks going? Are they going out the back door? Were you suggesting there has been inappropriate use of masks or improper conduct with supplies? No, I want the people in New York to check Governor Cuomo, Mayor de Blasio, that when a hospital that's getting 10,000 masks goes to 300,000 masks. À un moment, New York avait besoin de l'aide de l'État fédéral et Trump a suggéré qu'il y avait du matériel de protection pour les chirurgiens, les aides-soignants qui devraient être volés et il encourageait les journalistes à enquêter là-dessus. Vous avez vu ces déclarations-là? Oui, mais il faut rappeler que Trump est un New-Yorkais de Queens et que il déteste New York parce que New York ne l'aimait pas. Et l'établissement intellectuel et culturel à New York, et même l'établissement dans les affaires financières, ne l'a jamais accepté. Thomas Sugrue, historien spécialiste de la ville à la New York University. Le gouvernement Trump a été désastreux pour les villes américaines en général. Mais ça faisait 50 ans déjà que les investissements urbains étaient en baisse. Et la meilleure illustration à New York, c'est le secteur des transports. Ils tournent 24 heures sur 24. Ils assurent la liaison avec des points très éloignés de la ville. Mais on les répare avec des rustines. Ils tiennent à peine. New York, depuis 50 ans, repose sur des infrastructures vétustes qui ne reçoivent pas assez d'argent pour tenir. Je dirais que New York, en tant que ville, n'a pas été façonnée par les désastres. Les désastres mettent en lumière les inégalités. Ils révèlent les problèmes sous-jacents. Ils révèlent la négligence dans la ville. Les désastres accentuent tout cela. Mais ils ne sont pas la cause des problèmes de New York. Les problèmes de New York viennent des politiques publiques et des choix d'investissement. Des politiques fiscales sur mesure pour les classes aisées. C'est une crise longue durée. On l'a vu se déployer et s'exprimer durant le krach financier de 2008. On l'a vu durant Sandy. Mais pris individuellement, ces désastres ne sont pas la source des problèmes de New York. Ils les aggravent, mais ils ne sont pas à l'origine des problèmes. Et le Covid a révélé l'importance des institutions publiques de la ville. Car New York, après quelques faux départs, a réussi à réagir de façon collective, en s'appuyant sur le système de santé publique. Et pour ce qui est de la vaccination, New York a été bien plus efficace que les autres grandes villes des États-Unis, comme Philadelphie et Chicago, où je me rends souvent. Et ces deux villes étaient en retard de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois sur New York. New York est parvenue à atteindre les populations, et moi, j'ai été impressionné. Et ça nous rappelle qu'il est important d'investir dans le secteur public, car quand on le fait, les choses marchent plutôt pas mal. Le Covid a changé New York. De nombreuses rues sont devenues piétonnes, sans doute pour toujours. Les restaurants ont improvisé des abris-terrasses sur les trottoirs. Dans le Bas Manhattan, ils ont été pris d'assaut par les jeunes et les moins jeunes, fous de joie de se retrouver et pas mécontents non plus de pouvoir montrer enfin leur corps sculpté par les centaines d'heures passées sur des vélos d'appartement et sur des applications de yoga fitness. Mais dans de nombreux quartiers de New York et à Manhattan en particulier, les magasins au rez-de-chaussée sont vides. Les vitrines recouvertes de panneaux alloués. Même chose pour les bureaux. Well, I live in Manhattan, but I'm very happy to be back in the office and my company does not mandate. Shadi travaille pour une grande agence de publicité. Il est bien content de retourner au bureau. Il aime bien tomber sur des collègues par hasard et avoir des conversations spontanées et non planifiées en visioconférence une semaine avant. Mais il y a très peu de monde, une dizaine d'employés. D'habitude, ils sont 500. Maybe like you have an average of like 10 people a day out of 500 people. Really? Yeah. Pourtant, début juin 2021, 70% de la population adulte de Manhattan avait reçu deux doses de vaccin. Jada, elle, travaille pour une grande entreprise de cosmétiques dont le siège est en Europe. Donc avec le décalage horaire, elle trouve ça plus pratique de travailler de chez elle. So basically, you reserve a desk Quant au travail de Lorraine, qui est architecte pour le groupe hospitalier Langone Health, ils construisent de nouveaux bureaux avec un système baptisé Touchdown. Il n'y aura plus de bureaux attitrés. Ceux qui veulent venir devront s'inscrire pour réserver une place. Les bureaux vides inquiètent les responsables du budget de la mairie de New York, qui compte sur les impôts des entreprises. Il y a aussi un sérieux doute sur les finances de l'agence MTA, qui gère le métro et qui n'a pas du tout retrouvé son affluence. Mon amie Marion Massone est confiante malgré tout. Elle fait partie de ceux qui sont mariés à la ville et qui disent « I've seen New York so bit several times ». J'ai déjà lu la nécrologie de New York plusieurs fois dans ma vie. From everything I hear, first of all, and I'm sure you've heard this too, there was the exodus of people who left New York City. Tu as sûrement entendu parler de l'exode. Les gens qui ont quitté New York, ils ont quitté Manhattan, ils ont quitté Brooklyn pour Long Island ou ailleurs. Alors la plupart d'entre eux avaient déjà des maisons dans les Hamptons ou dans la Hudson Valley. C'est très cher. Mais est-ce que ces gens-là vont revenir? Est-ce que les locataires qui ont libéré leur appartement vont revenir? Et combien ça va leur coûter de revenir? Parce que New York va revenir, j'en suis sûre. New York va rebondir parce que ça s'est toujours passé comme ça. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Les gamins vont retourner à l'école et d'une manière ou d'une autre, les entreprises vont trouver un moyen pour aménager les bureaux pour leurs salariés et il y aura de nouveau des magasins. Écoute, à la fin des années 70 et au début des années 80, New York était en défaut de paiement. Tout était horrible, mais c'est aussi à cette époque que Basquiat a percé. Il y a aussi ça. Le lieu est en bazar, mais des esprits créatifs inventent de nouvelles idées. Je crois que quelque chose comme ça va se produire. Pas la même chose, mais une version 2021-2022. Et qu'est-ce qui permet à New York de se relever à chaque fois? Oh man, you're asking very deep questions. Wow, c'est profond ces questions. Enfin, tu sais, New York est au cœur de tellement de choses, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. It's New York, fucking city. Excuse me. C'est New York, putain. Everybody Tout does le monde veut y être. I mean, you know, everyone wants to be here. Tout le monde veut connaître le succès ici. Everybody wants to see it. So I Tout le monde veut voir New York. Et tout ça sera un tremplin pour les gens. And also, you know, there are people who will Et puis tu auras aussi des gens qui vont se dire, bon, New York est un peu une épave en ce moment, et ils vont trouver un moyen pour en profiter et se faire de l'argent et lancer un truc nouveau. Alors on va se dire, ok, mais peut-être qu'on ne va pas aimer. So it will, and you can sit here and go, well, what will it be? Will we not like it? Look, the last time it came about, it's like all these people. Car avec la dernière crise, on a eu ces barons de l'immobilier qui ont fait des plus-values, et les choses sont devenues trop chères pour nous, simples mortels. Donc déjà ça. Donc venez faire des choses, et l'on n'aimera peut-être pas, mais aussi des choses que l'on aimera. Je crois que c'est lié au fait que New York, c'est New York, c'est tout. Regarde, toi tu viens ici pour ce projet à New York, tu n'as pas choisi Chicago alors. Et regarde, moi je suis née ici, née à Brooklyn, j'ai habité ailleurs, mais je suis toujours revenue. Et quand le Covid a éclaté, on était l'épicentre. Brooklyn était l'épicentre. Et ma nièce Elena, qui habite l'État de New York, elle me disait, il faut que tu partes, viens nous rejoindre, ou va chez ton frère à Long Island. Mais moi je disais, non, moi je reste chez moi. La Terre, jusqu'à présent, a été dessinée en forme de poire, je veux dire en forme de saint. Mais du saint à l'épitaphe, rien qu'une ruse d'architecte, New York. Civilisation à quatre pattes, chaque direction un assassinat et chemin menant à l'assassinat. Et dans la distance, la plainte des naufragés. New York, une femme, statue de femme. D'une main, elle tient un chiffon qu'appelle Liberté, les feuilles de papier que nous appelons Histoire. De l'autre, elle étrangle une enfant dont le nom est Terre. New York, corps couleur d'asphalte, une ceinture humide encercle sa taille. Son visage, fenêtre fermée. Je me suis dit, Walt Whitman l'ouvrira, je dis le mot de passe originel, mais seul l'a entendu un Dieu qui ne reviendra pas. Les prisonniers, les esclaves, les désespérés, les voleurs, les malades jaillissent de sa gorge. Pas d'échappée, pas de route. Et je me suis dit, le pan de Brooklyn, mais c'est le pan qui relie Whitman à Wall Street, la feuille herbe à la feuille dollar. New York, Harlem, qui vient en guillotine de soie, qui s'en va dans une tombe longue comme l'Hudson, explose, rite des larmes. Soudez-vous, chose de lassitude, bleu et jaune, rose et jasmin, la lumière aiguise ses pointes et dans la piqûre naît le soleil. As-tu flambé au plaie caché entre cuisse et cuisse? New York, Madison, Park Avenue, Harlem. Une paresse qui ressemble au travail, un travail qui ressemble à la paresse, cœur saturé comme l'éponge, mais gonflé comme le roseau, des tas d'immondices et des masques de l'Empire State, l'histoire soulève des odeurs frissonnantes comme la tôle. Covid Capital, New York 2020-2021, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zenin. Mixage, Valérie Lavalard. Documentation, Anne-Lise Signoret. Lecture du poème d'Adonis, Un tombeau pour New York, Adam Schatz. Doublage, Régis Royer, Olivier Martineau, Raphaël Kraft, Thierry Beauchamp, Christine Bernard, Chloé Lavalou et Anne de Peufeillon. Coordination, la série documentaire, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Merci à Isabelle Anne et à Peter Van Ackman. I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's pompier de Manhattan, natif du Queens, infirmière d'Harlem, enfant du Bronx ou bobo de Brooklyn, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Central Park, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, on va se préparer pour le procès des attentats du 13 novembre. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end. Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.